Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 19 février 1787, Goethe se trouve à Rome. Débarqué en ville en début d'automne, il a pris ses quartiers dans un appartement anonyme de la Via del Corso, d'où il peut contempler, sans être vu, l'animation de l'artère principale du centre historique. Le poète est venu chercher dans la ville éternelle tout ce qui, jusqu'ici, a manqué à sa vie d'enfant prodige de la littérature allemande. Il est venu chercher la liberté de disposer de son temps comme il le souhaite. Mais ce jour-là, le poète perçoit une forte agitation à l'extérieur. Il se penche alors à sa fenêtre et une scène inattendue s'offre à lui. Sur les balcons et devant les portes cochères des immeubles voisins, les habitants ont disposé des chaises et des tapis, comme si tout à coup, ils voulaient transformer la rue en salon. Pendant ce temps, sur le Corso, le sens de la circulation des carrosses s'est inversé, produisant le chaos. Et de curieux personnages ont commencé à pointer le bout de leur nez dans la foule. C'est le début du carnaval, la fête qui met tout le monde à l'envers, renversant non seulement les rapports entre les sexes, mais aussi entre les classes et toutes les hiérarchies qui régissent, en temps normal, la vie sociale. Ici, écrit Goethe, il suffit d'un signal pour annoncer que chacun peut faire le fou comme il le souhaite, et qu'à l'exception des coups de bâton et de couteau, presque tout est permis. La différence entre les castes, hautes et basses, semble pour un moment suspendue. Tous se rapprochent les uns les autres, tous acceptent avec désinvolture ce qui leur arrive, tandis que la liberté et la permission sont maintenues en équilibre par la bonne humeur universelle. Mais un peu plus loin, il ajoute, « Il n'est pas rare que la bagarre devienne sérieuse et générale, et alors il est effrayant de voir l'acharnement et la haine personnelle avec laquelle tous se déchaînent. » Bonjour Giuliano da Empoli. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes directeur du think tank Volta à Milan. Vous êtes aussi ancien conseiller politique de Matteo Renzi et vous faites paraître aux éditions J.C. Lattès Les ingénieurs du chaos, dans lequel vous commencez, le livre s'ouvre avec cette description du carnaval en montrant que, avant, le carnaval se situait aux marges de la conscience de l'homme et aujourd'hui, il se positionne comme le nouveau paradigme de la vie politique. Il suffit un peu de regarder autour de soi. Évidemment, l'exemple le plus visible globalement, c'est quand même le président des États-Unis qui a, dès le début, construit sa campagne de façon... D'abord, c'est lui-même un personnage un peu de carnaval, et sa campagne a suivi tous les principes de la fête du carnaval. D'ailleurs, il y avait un site d'information américain très important qui s'appelle Huffington Post, qui, pendant les premiers mois de la campagne, Trump a refusé de traiter le sujet dans sa section politique et qui ne la traitait que dans la section des spectacles. Et après, ils ont évidemment dû changer d'avis parce que cette campagne a pris de l'ampleur et ce qu'on imaginait être tout à fait impossible est advenu, c'est-à-dire le roi du carnaval a été élu président des États-Unis. Et c'est basé sur toute une série de renversements où le fait de susciter l'indignation des intellectuels et des experts est considéré comme un mérite parce que ça veut dire qu'on ne fait pas partie du complot des élites contre le peuple, où l'incompétence et le manque d'expérience politique et dans la gestion des affaires publiques est considéré un mérite aussi. Où même les fake news deviennent, et la diffusion d'informations qui sont ouvertement non vraies, deviennent un mérite, parce qu'on ne se plie pas aux lois de la résignation et du pragmatisme de la domination sociale, mais par contre, le leader qui fait recours aux fake news est un leader volontaire, qui va renverser la réalité pour faire les intérêts du peuple. Et évidemment, le cas de Trump n'est que la pointe de cet iceberg-là. On a vu encore, il y a 10 jours, un comédien élu avec un très grand succès à la tête de l'Ukraine. Et un peu partout, un mode carnavalesque qui renverse un peu toutes les valeurs traditionnelles du jeu politique se met en place. Et pourtant, dites-vous, derrière les apparences débridées de ce carnaval populiste se cache le travail acharné de dizaines de spin doctors, d'idéologues et de plus en plus souvent de scientifiques et d'experts en big data, sans lesquels les leaders populistes ne seraient jamais parvenus au pouvoir, et c'est leur histoire que raconte votre livre. Ça veut dire que ce carnaval ne s'est pas produit de manière spontanée, ça veut dire que ce n'est pas le règne du monde à l'envers, pour lequel on pourrait d'ailleurs se réjouir, il y aurait beaucoup de bonnes raisons de se réjouir à ce que le carnaval dure plus longtemps qu'une seule journée, mais non, dites-vous, le problème est que ce carnaval est orchestré et que l'outil numéro un auquel on recourt ceux qui orchestrent ce carnaval, eh bien ce sont les algorithmes. Ben oui, c'est-à-dire, d'ailleurs, il y a une belle image dans la fiction sur le Brexit qui a été diffusée récemment par Canal+, où le chef de la campagne du Leave, donc pour quitter l'Union européenne en Grande-Bretagne, dit il y a cet énorme réservoir de colère. C'est comme si nous étions sur une plateforme de pétrole et on va mettre des sondes dans toutes ces poches de colère qui sont à l'intérieur de la population et on va puiser dans ça l'énergie qui va nous porter à gagner le référendum. Et donc il y a effectivement aujourd'hui des technologies très sophistiquées qui permettent de transformer la colère qui parcourt nos sociétés et qui est bien là et qui naît d'ailleurs souvent de causes réelles, mais qui permet de puiser là-dedans de façon très ciblée. En ayant trouvé ce qui va exciter le plus possible les émotions, les peurs et les colères, non pas de la collectivité en général, mais de chaque personne ou de chaque groupe en particulier. Et puis, il y a des techniques qui permettent de faire ça et à la fin d'additionner toutes ces colères pour gagner des élections. Et c'est ce qui se fait de plus en plus un peu partout à travers des campagnes politiques qui ont un contenu technologique de plus en plus avancé. Oui. Alors, on va essayer de voir ensemble au cours de l'heure qui nous attend, en lisant votre livre, comment d'un côté cette colère peut émerger, parce que vous proposez une analyse sur ce qu'est la colère au sein d'un peuple, ce qu'elle peut avoir de sain et ce qu'elle peut avoir de malsain quand elle est utilisée et retournée contre le peuple. Comment ces outils eux-mêmes, que sont les algorithmes, sont utilisés par les dirigeants ou ceux qui veulent créer de toutes pièces un nouveau dirigeant. Et on va commencer par là, du côté même de ces dirigeants, de ces nouveaux leaders qui s'improvisent comme tels, comment la nature même de ces dirigeants a changé. Voici un extrait de quelqu'un que vous connaissez sans doute bien. Peut-être les Français ne le connaissent pas aussi bien que vous, il s'appelle Beppe Grillo et voici une archive du 22 août 2009. Il faut bien se dire que c'est deux ans après l'invention, la célébration de ce qui s'est appelé le Vaffanculo Day. Vaffanculo, je vous laisse le traduire en français ? Allez vous faire voir, dit de façon c'est dit de manière légèrement polie. Oui. Alors pour un peu, vous nous direz ensuite comment ce personnage est apparu, c'est absolument passionnant et vous le racontez très très bien. Pour faire connaissance avec lui, voici l'extrait. Beppe Grillo est une figure célèbre en Italie. Oui. Beppe Grillo qui est venu... Vous parlez français ? Oui, un petit peu. Je suis le Coluche italien. Oui, hein. Hein. J'avais travaillé avec Coluche avec un film de Dino Risi, Les Fus de guerre. Fus de guerre. Non, mais j'ai regardé la situation en Italie et la situation en Italie est incroyable. Le délirio, tu comprends? Délirio de la politique, de l'économie. Qui siamo in una banda di persone. Ici, on a affaire à une bande de personnes qui légifèrent. Qui légifèrent tous les jours. Il n'y a plus de frontière entre le légal et l'illégal. Chaque jour, ils font ce qu'on appelle un sous-amendement aux lois. Ils changent la réalité tous les jours. Ils essayent de bloquer l'information, bloquer les blogs. Si un maire dit là-bas, on va faire une centrale nucléaire, il risque 5 ans de prison pour l'avoir dit à la population. Et c'est pour ça qu'il y a ce cri de colère que vous poussez et que tout le monde reprend en écho. On appelle ça ici le V-Day, Vaffanculo. Comment est venue cette idée ? Elle est venue parce qu'on en avait marre. On voulait changer les choses. Grâce au web, on s'est retrouvé 2 millions de jeunes sur les places italiennes à signer une loi. Signer pour renvoyer du Parlement les députés punis par la loi. Condannati in via definitiva in Parlamento, ne abbiamo ancora una ventina, abbiamo 100. Il y en a encore une vingtaine, une centaine d'autres qui sont sauvés par la prescription de la première ou deuxième instance. Il n'y a plus de citoyens en Italie. Les lois populaires, les référendums, on les a mis dans un tiroir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, comment les algorithmes ont changé le jeu politique via les réseaux sociaux. C'est le sujet de cette émission aujourd'hui en compagnie de Giuliano da Empoli, qu'on vient d'entendre, Beppe Grillo, enfin celui qu'on vient d'entendre, le dit assez bien. Et en fait, il faut savoir qu'il s'exprime à ce moment-là dans un contexte qui est l'Italie de Berlusconi, qu'il vit comme être extrêmement oppressive, c'est-à-dire qu'on peut, il y a peu de possibilités pour chaque citoyen d'exprimer ce qu'il voudrait, de dénoncer les injustices. Et il se présente comme le sauveur, il va fonder le mouvement 5 étoiles. Vous dites, Giuliano da Empoli, que ce mouvement, en fait, n'est pas un parti, mais un algorithme post-idéologique. C'est tout à fait fascinant. Encore une fois, être italien n'est pas toujours un avantage, mais pour comprendre le populisme, c'est vraiment un peu la Silicon Valley du populisme. Et l'expérience de Grillo a été extraordinaire, parce que la façade, justement, c'est un comédien assez populaire qui fonde un mouvement... Un coluche italien qui fonde un mouvement de ras-le-bol, justement, basé sur le slogan du vaffanculo, et qui va après progressivement avoir du consensus, monter son mouvement et à la fin prendre le pouvoir, parce qu'aujourd'hui c'est le principal parti italien, le mouvement 5 étoiles, qui est issu de Grillo. Mais la vraie histoire de ce mouvement, elle est un peu différente. L'idée, elle n'est pas de Grillo, elle est d'un expert de marketing internet qui s'appelle Gianroberto Casaleggio, et lequel comprend très tôt, au début des années 2000, que tout va changer en politique et que Internet et les données vont tout changer dans la façon de faire de la politique. Il comprend aussi qu'il ne peut pas faire un parti Internet parce que personne va... On a fait ça un peu dans l'Europe du Nord, des partis pirates, etc. Mais c'est des petites expériences qui n'ont pas vraiment eu beaucoup de suite et qui en auraient encore moins en Italie. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il comprend qu'il va... la base de tout, c'est récolter des données. Et il a besoin d'un visage qui soit l'incarnation de ce projet de parti digital. Alors il va chez Beppe Grillo, qui est un comique populaire, et lui dit « On va faire un blog. Tu vas faire un blog. Mais c'est nous qui allons l'écrire. » Et dès le début, donc, Grillo commence à faire ce blog. Il écrit en principe tous les jours sur Internet. Mais en réalité, il y a une petite rédaction qui fait déjà ça de façon algorithmique, c'est-à-dire que ils écrivent quelque chose, ils voient, ils mesurent les réactions, combien de fois, combien de likes ils ont, combien de commentaires ils ont, dans quelle direction vont les commentaires, etc. Ils sélectionnent les 20 meilleurs du jour, et le jour d'après, ils vont relancer les meilleurs, non? Donc ils vont reprendre que les thèmes qui sont porteurs, qui suscitent des réactions, qui créent des émotions dans le public. Et ça a un succès fou. Et donc le blog de Grillo, en 2 années, devient un des 10 blogs les plus lus au monde. Il y a des classements internationaux, donc il y a des millions de gens qui sont dessus, avec évidemment ce chapeau commun, disons, du ras-le-bol contre les élites. Enfin, ça c'est un peu le filon commun. Mais en dessous de ça, il y a, dès le début, on analyse des données, et on importe en politique, finalement, le mécanisme de Google et de Facebook, surtout de Facebook, c'est-à-dire comment elles marchent, ces plateformes-là. Elles ont un seul objectif, qui est l'engagement. Non, on va vous garder le plus longtemps possible, et donc on va vous donner... L'engagement politique ? Non, l'engagement de Facebook ou de Google... Ah oui, combien de personnes c'est, visite et fréquente. Il faut qu'on garde les gens sur notre plateforme. Non, il n'y a pas d'autres paramètres. Le plus longtemps vous êtes là, le plus on fait d'argent et le mieux c'est pour nous. Donc, comment est-ce qu'ils font ça ? La façon dont ils font ça, c'est on vous donne ce qui vous intéresse. Alors, vous cliquez 2 fois sur des poésies de Rainer Maria Rilke, Facebook va vous inonder de Rainer Maria Rilke, aucun problème. Mais si vous cliquez 2 fois sur des fake news antisémites ou sur des complots ou sur des crimes, même sur des crimes d'un type particulier, etc., Facebook va vous inonder de ça. Parce qu'ils vont penser, c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui va garder la personne sur la plateforme. La traduction politique de ça, c'est faire exactement la même chose. Donc, on voit les réactions des gens, on voit ce qui vous intéresse, et on vous donne plus de ça. Et ce qui est fascinant du mouvement 5 étoiles, c'est que justement Casaleggio lui-même, le fondateur et le patron du parti, parce que c'est une entreprise privée, hein, c'est Berlusconi 20 ans après. C'est ça qui est devenu un parti politique. Voilà. Bon, Berlusconi a été pionnier dans ça, c'est-à-dire il a rendu possible qu'une entreprise privée devienne un parti et que tout le monde plus ou moins accepte ça. 20 ans plus tard, Casaleggio va faire la même chose au temps d'Internet. Donc ça va être une start-up, ça va être léger, ça va être... ça va suivre des principes différents, mais aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles, c'est une entreprise privée, à la base, hein, de propriété du fils de Casaleggio, qui n'est plus là, et donc le fils a hérité la boîte. Et le mécanisme, donc, ça va être simplement le même que Facebook et Google. On n'a pas vraiment de position à nous. On va vous garder le plus longtemps possible avec ce qui vous intéresse. Et donc, évidemment, on va confirmer tous les préjugés que vous avez. Ça dénature complètement la conception qu'on se faisait de la politique. Enfin, pas complètement. À la fois, ça l'exacerbe et ça la dénature. C'est-à-dire que désormais, voter devient un acte qui consiste à plébisciter, à valider ce que l'on pense déjà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manipulation de l'électeur. Parce que ce que vous dites, à la limite... on est au courant pour Facebook, pour Twitter, pour les données. Mais quand ça devient politique, ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous disons sur Facebook, tout ce qu'on nous propose sur Facebook, est un outil de propagande politique à fin privée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment de la politique. C'est une manière tout simplement de la popularité. Il faut avoir le plus grand assentiment possible et ainsi on devient élu. Mais il n'y a plus de projet politique, il n'y a plus rien. Non, parce que en plus, la mécanique devient différente. C'est-à-dire, si vous êtes un homme politique, il y a... même 10 ou 15 ans, vous voulez adresser un message, vous devez le faire de façon plus ou moins publique sur, disons, un mass-média, un média large. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez adresser un message qui rassemble le plus grand nombre de personnes possible, en principe. Non, vous allez essayer, vous allez avoir une dynamique centripète. Hein, on va plutôt converger vers le centre parce que tout le monde va plutôt essayer de dire des choses qui rassemblent une majorité. Mais si la communication ne marche plus comme ça, si c'est des bulles, hein, et donc sur les réseaux sociaux, ce sont des bulles d'amateurs de Rilke et d'amateurs de fake news antisémites et de d'amateurs de milliers d'autres choses. Et je peux m'adresser à chaque bulle de façon individualisée, ce qui est aujourd'hui possible et même facile à travers des instruments comme Facebook. Là, mon but ne va plus être de donner un message raisonnablement consensuel et d'aller vers le centre. Il va être d'exciter le plus possible ma bulle, de dire la chose qui va le plus motiver et engager les membres de la bulle à laquelle je m'adresse. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, ce qui n'était pas possible avant, je vais pouvoir sommer, additionner ces bulles. Et je n'ai pas besoin, j'ai besoin d'un message très large, général, justement, le ras-le-bol des élites, c'est suffisant, non? Quelque chose de très large. Mais je vais pouvoir additionner ces bulles et les utiliser pour poursuivre mon objectif politique. Encore une fois, le Brexit, quand ils font la campagne, ils disent, on va découvrir pourquoi les gens sont fâchés, et on va leur dire que c'est l'Europe. Mais on ne va pas découvrir l'ensemble de la population pourquoi elle est fâchée. On va découvrir chaque groupe pourquoi il est fâché. Alors, aux animalistes, on va dire « l'Europe ne protège pas assez les animaux ». Aux chasseurs, on va dire « l'Europe protège trop les animaux et ils vont vous empêcher de chasser le renard comme vous aimez tellement le faire ». Et après... vu qu'on peut adresser ces messages de façon séparée, après, on les réunit dans un objectif commun, même si les messages sont tout à fait contradictoires entre eux. Et là où les personnes qui font ça sont très fortes, c'est qu'elles ont réussi à identifier que ce soit en Angleterre pour le Brexit, en Italie avec le mouvement 5 étoiles, en France avec les Gilets jaunes ou aux États-Unis avec Donald Trump, il y a un point commun dans toutes ces populations, c'est qu'elles sont en colère. Ouais. Écoutez l'analyse proposée par le philosophe Peter Sloterdijk dans un texte lu par Hélène Losser. Il n'existe pas un seul contemporain qui n'ait pris connaissance du fait que les États et les populations du monde occidental, et à travers eux toutes les autres régions du monde, sont irrités depuis une bonne décennie. Pris d'une inquiétude seulement à moitié feinte, les bonnes âmes sonnent quotidiennement l'alarme. La haine, la vengeance, l'hostilité inconciliable sont soudain réapparues parmi nous. Une mixture faite de forces étrangères aussi insondables que la mauvaise volonté s'est infiltrée dans les sphères civilisées. Et pourtant, comment peut-on sérieusement présenter comme des nouveautés la colère et ses projets, ses proclamations et ses explosions? Qu'a-t-il fallu volontairement oublier pour qu'on en vienne à considérer comme des visiteurs d'une autre galaxie des gens qui se vengent efficacement de leurs ennemis supposés ou réels? Comment, d'une manière générale, a pu s'imposer l'opinion selon laquelle on a été catapulté après 1991 et la fin du conflit Est-Ouest dans un univers au sein duquel les gens, individuellement et en tant que collectif, ont renoncé à ce talent qui leur permet d'éprouver les sentiments rancuniers? Le ressentiment, avant même le bon sens, n'est-il pas la chose du monde la mieux partagée? Le philosophe Peter Sloterdijk dans Colère et temps entreprend de reconstruire l'histoire de la colère, et c'est passionnant, Giuliano D'Ampoli, vous le citez dans votre livre, hein, parce qu'il montre que ce sentiment est constitutif de toutes les sociétés. Simplement, jusqu'à une époque assez récente, il y avait ce qu'il appelait les banques de la colère, des endroits pour exprimer cette colère, ça a pu être l'église pendant un moment. Et aujourd'hui, ces banques n'existent plus, elles sont donc entièrement ressaisies par ceux qui viennent puiser dans cette colère pour la retourner contre les électeurs eux-mêmes. Et là encore, le moyen pour y parvenir, ce sont les algorithmes. Oui, mais tout à fait. Sloterdijk, comme d'habitude, est passionnant et je pense qu'il pointe en effet à un fait fondamental, c'est-à-dire parmi ces banques de la colère, il y avait aussi pendant très longtemps les partis de la gauche, par exemple, parti communiste et parti socialiste, avec l'évolution du panorama politique qui a fait que la majorité de ces partis se sont plutôt déplacés vers l'acceptation des lois du marché, vers une certaine propension à gouverner et un certain pragmatisme. Évidemment, tous les fâchés, disons, tous les mécontents, ceux qui ont de la colère, n'ont plus vraiment pu s'adresser à ces forces politiques-là. Et c'est là que s'est opéré, d'une certaine façon, le vrai grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement des nouveaux partis national populiste, si vous voulez, qui ont su prendre la place souvent de partis de gauche traditionnels. C'est ce qu'on voit à travers toute l'Europe, par exemple. Et en exprimant cette colère et ce ras-le-bol de façon beaucoup plus radicale, hein. Le pragmatisme de certains anciens partis de gauche a été aujourd'hui considéré par les gens qui sont en colère comme une forme de fatalisme, hein, de résignation. Et donc il y a eu ce grand remplacement. Et les idéologies, d'une certaine façon, il y a un autre penseur très intéressant qui s'appelle Ivan Krastev, qui est plutôt un politologue, qui dit « quand vous n'avez plus d'idéologie, tout ce qui reste, c'est la théorie du complot ». Et c'est très vrai, parce que si aujourd'hui vous êtes en colère et vous avez envie de donner un sens à ce qui arrive, vous n'avez plus vraiment d'idéologie cohérente qui vous permette de le faire, mais vous avez, et là les algorithmes deviennent à nouveau fondamentaux, vous avez ce foisonnement d'explications qui peuvent être très bizarres, mais qui ont souvent quelques éléments de vérité ou une cohérence interne, qui sont les théories des complots. Mais ce que ça veut dire, ce que dit Peter Sloterdijk dans ce texte, ce que vous dites dans votre texte, c'est qu'il y a eu un problème qui est venu du côté de la politique, c'est que la politique elle-même n'a pas su proposer aux électeurs et aux citoyens de nouvelles banques de colère. Et c'est pour ça que du coup c'est tout ça a basculé du côté des algorithmes, puisque dès lors qu'on sait que par essence, par définition, dans la société, les minorités ou les plus pauvres seront en colère, il suffit de leur proposer des exutoires à cette colère, des moyens de l'exprimer. Ça veut dire que la politique ne le fait plus. Tout à fait. Je pense que ce sont deux phénomènes parallèles. C'est-à-dire, Sloterdijk écrit ce texte très important, Colère et temps, en 2005, je crois, plus ou moins. 2006, oui. En français, 2006. Voilà. Et donc avant la vraie évolution à laquelle on a assisté ces 10 dernières années de réseaux sociaux et d'algorithmes vraiment poussés. Donc il y a les deux choses. À mon avis, ce sont deux dynamiques qui se renforcent l'une l'autre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un problème politique où la politique traditionnelle n'a plus su interpréter la colère qui est une donnée structurelle de la vie politique comme l'a très bien raconté Sloterdijk. En même temps, ces nouvelles technologies et ces réseaux sociaux sont quand même des machines à produire de la colère. Hein. Ça, on le voit partout. D'ailleurs, il y a des études à produire ou à révéler, parce qu'elle elle préexiste. Les deux. C'est-à-dire, la colère, évidemment, elle préexiste, mais après. Ces machines-là, elles vont l'exciter et la multiplier. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, la colère, évidemment, elle est là. Elle a souvent, d'ailleurs, des causes réelles, qui sont des causes économiques, sociales, etc. Mais après, sur ça, il y a cette machine qui, après on pourra en parler, il y a à mon avis plusieurs mécanismes qui la poussent à faire ça, dont ce mécanisme de renforcement à travers lequel, justement, je vais m'enfermer le plus possible. Si je clique sur un certain type de nouvelles, après je vais très rapidement m'enfermer dans ça et ne recevoir que ce type de messages. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, quand il y a là notamment les attentats au Sri Lanka il y a quelques semaines, la première réaction des autorités dans ces pays où il y a un risque de contagion de violence sur la base d'un événement, d'un attentat ou de quelque chose, c'est de fermer les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que sinon, vous avez immédiatement les théories les plus bizarres qui sortent, des fake news, des trucs, etc., ou même de vraies informations dans quelques cas. Hein, et vous avez une spirale qui part sur les réseaux sociaux et qui a déjà provoqué, c'est le cas par exemple du Myanmar, de la Birmanie et d'autres réalités, et qui provoque de véritables émeutes. Mais ça, quand vous regardez ça, quand vous analysez ça, Giuliano D'Ampoli, l'homme politique que vous êtes, ou que vous avez été en tout cas, vous avez été conseiller de Matteo Renzi, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que vous dites finalement la politique a perdu. Ce sont les algorithmes qui ont gagné, c'est certaines entreprises qui ont gagné. Le mouvement 5 étoiles, c'est une boîte privée, vous l'avez dit. Quelle place reste-t-il à la politique? C'est ça qui est effrayant. Il reste une place quand même importante à la politique parce que, évidemment, les évolutions de la technologie, on connaît ça. Elles transforment la politique. C'est déjà arrivé avant, dans les années 20, quand la radio devient un média très répandu, il devient aussi l'instrument de régimes et de futurs régimes totalitaires. Et puis, il y a quand même quelqu'un, par exemple, c'est le cas aux États-Unis, d'un très grand homme politique qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt, qui va apprendre à utiliser ces technologies pour renverser la vague. Il y avait un empereur persan, Xerxès, qui, après avoir perdu une bataille navale à Salamine, a fait fouetter, a donné l'ordre de faire fouetter la mer. Bon, ça peut donner évidemment un défoulement et une satisfaction momentanée, mais ça ne marche pas vraiment. Non, il faut que les hommes politiques qui sont porteurs de valeurs différentes apprennent à utiliser ces instruments de façon plus efficace. Il y a des règles qui peuvent être imposées pour limiter des abus. Effectivement, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, on manque de législation. Ce qui n'est pas du tout le cas, et donc il y a encore beaucoup à travailler sur ça, mais il y a quand même un principe fondamental que les hommes politiques traditionnels ont un peu oublié. La politique, mais c'est ça quand même. Ce n'est pas que des graphiques, des chiffres d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas un concours d'une grande école. C'est quand même la capacité de susciter des émotions aussi. On ne peut pas dire « Ah, les réseaux sociaux, c'est mal parce que ça véhicule des émotions. Bon, » La politique, ça a toujours été ça. Et donc, il va falloir qu'on réapprenne à utiliser ce langage et qu'on le fasse de façon plus efficace que les méchants. Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon bah voilà, contrôle d'identité. On a emmené directement dans le fourgon. Contrôle d'identité, on marchait juste dans la rue, vous avez vu le live, on n'en faisait rien. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, enfin pour l'instant. Et on essaiera de faire un live en sortant du commissariat, on va dans le 8e là. Alors, on a parlé de la colère constitutive de toute société, d'une partie du peuple, de l'habileté ou de la bêtise des dirigeants qui se font eux-mêmes manipuler par des personnes qui ont très bien compris le jeu politique à travers l'utilisation des algorithmes. Et puis, il y a ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix d'Éric Drouet, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Il a créé une page sur Facebook qui s'appelle, figurez-vous, « La France en colère », 3 points d'exclamation, qui est suivie par 806 815 membres exactement, juste avant cette émission sur Facebook, et qui donc filme en direct ce qu'il fait, les mobilisations, ces manifestations. Là, même, il se contrôle l'identité, il se fait embarquer en fourgon, il se filme et il le dit directement, il s'adresse à chacun. Ici, c'est un cas particulier parce que c'est pas un gouvernant politique à la base, au contraire, il se présente comme venant du peuple. C'est pas non plus n'importe qui dans le peuple, puisque c'est lui qui a réussi à avoir autant de personnes qui le suivaient, de membres sur sa page Facebook. On est dans une configuration nouvelle qui, là encore, reconfigure complètement le jeu politique tel qu'on le connaissait avant. C'est de ce point de vue là, on l'a beaucoup dit, mais c'est tout à fait fascinant le mouvement des Gilets jaunes, qui est le premier vrai grand mouvement social entièrement né et structuré sur les réseaux sociaux, non, les leaders, mais même bon, les médias et même les autorités politiques ont reconnu ça, c'est-à-dire c'est qui est devenu les porte-parole de ce mouvement, c'est les gens qui avaient plus de succès sur Facebook, non, c'était le seul critère qu'on a pu adopter, et donc les gens qui avaient créé des groupes ou des appels ou des trucs sur Internet qui avaient été suivis par le plus de gens sont devenus ipso facto les leaders du mouvement des Gilets jaunes. Après, encore une fois, la page que vous, le groupe que vous citez, la France en colère, est fascinant pour ça, parce que si vous passez quelques minutes simplement sur cette page-là, vous voyez qu'il y a de tout dessus. C'est-à-dire, il va y avoir des statistiques ou des témoignages parfaitement rationnels de gens qui sont en difficulté et qui ont de vraies raisons pour être en colère, pour une raison ou pour l'autre. Et puis la minute d'après, il y aura une nouvelle reprise de par exemple d'un média russe avec une fake news sur un complot de Macron. Mais est-ce que vous diriez que le mouvement des Gilets jaunes est entièrement né des algorithmes? Mais très, très, très largement. C'est-à-dire, encore une fois... Parce qu'il n'y avait pas un conseiller politique ni un expert scientifique derrière Éric Drouet quand il créait la page. Non, justement, dans ce cas, et c'est d'ailleurs un peu la limite du cas, parce que c'est la grande différence avec, par exemple, le mouvement 5 étoiles en Italie. Parce que là, par contre, il y avait un metteur en scène qui avait construit ça dès le début. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pu construire un vrai mouvement et prendre le pouvoir. Ici, apparemment, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, justement, on voit même à l'occasion des élections européennes qui auraient pu être, en principe, s'il y avait eu une organisation là, c'était le moment, en effet, de faire une seule liste et d'essayer de faire un coup politique. Bon, apparemment, la fragmentation, refus de la verticalisation, voilà, surtout, pour l'instant, le refus est si fort que ça ne s'est pas produit. Mais on ne peut pas du tout exclure, et j'aurais plutôt tendance à penser que ça va se produire, qu'à un certain moment, un vrai entrepreneur politique qui ait les instruments technologiques aussi pour pouvoir le faire, reprenne tout ça, hein, et qu'il joue sur tout ce que ce mouvement a pu créer, activer au cours de ces derniers mois, et construise là du coup, par exemple pour la présidentielle de 2022, une candidature surprise, hein, qui serait une sorte d'anti-Macron populiste, qui arriverait, je ne sais pas, bon, je vais me lancer dans une prophétie, et ça va être amusant à vérifier, qui arriverait peut-être même d'un milieu non politique, hein, qui arriverait de la télévision ou je ne sais pas d'où, et qui, un an et demi ou un an même avant les élections, commence à faire une opération là du coup bien financé, bien solide, pour avec quelqu'un qui lui donne un coup de main sur ça, pour appliquer les algorithmes justement à tout ça, avec un côté showbiz, un côté comme il faut toujours quand même, plutôt qu'il y ait un leader, le charisme du leader il reste fondamental pour des opérations de ce type là. Et là, il y a vraiment un espace politique extraordinaire à exploiter. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre votre optimisme. Vous dites, oui, mais bon, la politique est déjà été mise en péril, la radio a Je été utilisée par les fascistes, tout. Etc. Bah, si vous disiez, mais finalement, c'est pas, je vous ai demandé si c'était la fin de la politique, et vous avez dit, mais non, on peut aussi apprendre à utiliser les outils. Mais je vois pas un peu une déformation mentale, c'est-à-dire, moi, j'ai effectivement plutôt tendance à... il y avait une phrase de Gramsci qui était le pessimisme de la connaissance et l'optimisme de la volonté. Non, bon, si on s'occupe et on a un peu de passion de politique, on essaye toujours de chercher une voie, et je suis sûr qu'il y en a une d'ailleurs. Il faut quand même pas oublier, et ça c'est quelque chose que les nationaux populistes nous rappellent souvent quand il y a des débats sur ça, que le premier à exploiter ces technologies de façon vraiment très pointue et très systématique a quand même été Barack Obama, d'abord en 2008 et puis surtout en 2012, où le niveau de targetisation, je ne sais pas, de profilage, comment est-ce que vous dites ça, de profilage des électeurs un par un était déjà en 2012 très très avancé, quand ça a été pour que chacun reçoive le bon message au bon moment. Hein. En 2012, ça se faisait, ça s'est déjà beaucoup fait. Évidemment, après, la technologie a évolué et c'est devenu encore plus systématique. Oui, mais alors, comment on explique qu'aujourd'hui, ces algorithmes, ces outils soient entre les mains des populistes, des extrêmes, alors que finalement, il n'y a pas de raison que la gauche et la droite et le centre et les partis non extrémistes ne s'occupent pas, eux aussi, ne se servent pas de la même façon de ces outils? Plusieurs raisons. D'abord, c'était des outsiders, donc ils ont investi des secteurs comme justement Internet, les réseaux sociaux, etc., où qu'ils réputaient plus, et ils avaient raison, plus vierges d'une certaine façon, alors qu'ils considèrent que les masses médias sont gérés par une élite, de pensée unique, etc. Et ça, c'est un peu partout, c'est pas que en France, non, c'est un peu dans et donc c'est vrai qu'ils ont été bons, hein. Il y a quand même même des spin doctors justement et des de nationaux populistes. J'ai parlé de Casaleggio, j'en décris d'autres dans le livre, qui ont quand même eu des intuitions remarquables quand il s'agit d'exploiter ça de façon politique. Et puis, on dit les vainqueurs ne sont pas curieux, non? Bon, donc les partis traditionnels qui étaient au pouvoir, ils n'étaient pas très curieux de savoir ce qui se passait dans les milieux du gaming, par exemple, que par contre Steve Bannon, oui, le spin doctor de Trump, a exploré pendant des années. Et puis quand il a s'agit de réunir tous ces fous de jeux vidéo et de les acquérir à la cause de Trump, il a pu faire ça. Et donc, par exemple, Trump, ce n'est pas du tout que les classes, la working class blanche oubliée des États, du milieu des États-Unis. C'est aussi des gamers hyper urbains, jeunes, des millions qui ont été conquis à la cause de Trump, parce que on leur a expliqué que leur liberté était en péril et qu'il fallait qu'ils reprennent le contrôle de leur vie pour échapper au politically correct et à tout ça. Bon. Alors on a parlé de l'Italie, de la France, des États-Unis. Il nous reste encore un pays à aborder, à évoquer ce matin, Giulio De Empoli. Vous en parlez dans votre livre. Il s'agit de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Brexit. Take Back Control, vous montrez dans votre livre comment les physiciens seraient à l'origine de ce slogan et de cet état de fait. On écoute un son et puis un extrait d'une pièce que vous citez aussi dans votre livre, une pièce de Duron Matt. Écoutez. Mr. Speaker, this is the right deal for Britain because it delivers on the democratic decision of the British people. It takes back control of our borders. I'm going to show you how to take back control. It takes back control of our laws. We've got to take back control. And it takes back control of our money. This might be our last chance. So let's take back control. Ultimately, I think that we need to take back control. Nous sommes au bout de notre chemin. Mais l'humanité n'est pas encore là. Nous avons mené des combats d'avant-garde, mais personne n'a suivi et nous avons abouti dans le désert. La science est devenue terrible et la recherche dangereuse. Nos connaissances sont mortelles. Il nous faut capituler devant le monde tel qu'il est. Nous sommes trop forts pour lui. Nous causons sa perte. Il faut lui reprendre la science que nous lui avons donnée. Moi, j'ai repris la mienne. Il n'y a pas d'autre solution pour vous non plus. Ce qui signifie... Vous devez rester avec moi parmi les fous. Alors, lorsque Dominic Cummings, le directeur de la campagne en faveur du Brexit, déclare sur son blog « Si vous voulez faire des progrès en politique, mon conseil est d'embaucher des physiciens et non des experts ou des communicants », vous, Giuliano De Empoli, vous pensez à cette pièce de Friedrich Dürren Matt qui l'imagine, alors à la fin des années 60, alors que le cauchemar de la guerre atomique menace de détruire la planète, il imagine cette pièce dans laquelle, eh bien, il enferme Newton, Einstein et Möbius au sein d'une clinique dédiée aux maladies mentales. Oui, c'est-à-dire justement qu'à un certain moment, Möbius explique aux deux autres qu'il fallait absolument qu'il s'arrête parce que, mais vous le disiez dans l'extrait qu'on a entendu, qu'il faut qu'il s'arrête parce que sinon ça va tout faire exploser. Il faut rester dans l'asile, tellement leur pouvoir. Et comme c'était le cas à l'époque du REM-MAT, ce n'est pas une solution envisageable. Mais pourquoi est-ce les physiciens qui sont responsables là dans ce que vous décrivez, même pour le Brexit? Pourquoi est-ce que Cummings dit-il que c'est très simple, les physiciens qui vont faire progresser en politique? Jusqu'il y a 10 ans, vous faisiez de la politique, c'était l'instinct, non? Ça a toujours été ça en politique depuis des millénaires. Il y avait un instinct politique pour percevoir des choses. On parlait d'animaux politiques, non? Et toutes les tentatives de faire de la politique de façon scientifique ou d'interpréter la société de façon scientifique, ce qui a beaucoup été fait aussi, mais elles étaient quand même, elles n'avaient pas eu beaucoup de succès. Qu'est-ce qui a changé dans les 10 années qui sont passées? C'est que nos comportements, chaque jour, produisent un flux de données extraordinaires. Donc moi, je suis là chez vous maintenant, je produis des données, après je vais commander un taxi, je vais rentrer chez moi, il y aura des données sur ça, je vais peut-être aller sur Internet ou lire les journaux, il y aura des données sur ça, etc., etc. Puis j'irai manger, bon. Et donc, cette quantité immense de données sur les comportements humains, et qui peut être exploité de façon extraordinaire justement par les algorithmes pour prédire nos comportements et pour vérifier des toutes sortes de corrélations et notamment surtout dans le terrain politique. Ça a d'abord été fait d'un point de vue commercial, mais justement tout ce qu'on a dit jusque-là nous est pour dire qu'aujourd'hui les applications politiques sont considérables. Et c'est une quantité de données extraordinaire. Les hommes politiques ou les gens qui s'occupent de politique traditionnellement ne sont pas du tout habitués à faire ça. Et qui sont les gens qui ont l'habitude d'analyser des énormes quantités de données? Les scientifiques. Jusqu'à présent, c'était les sondages. Voilà. Mais les sondages, c'est une façon, c'est la préhistoire de ça. Je veux dire, c'est comme les premiers singes, vraiment, qui prennent les premiers outils en main ou frottent de pierre pour faire du feu. C'est très bien, mais ça reste quand même très primitif. Aujourd'hui, on est à un niveau extraordinairement plus sophistiqué de ça. Il y a une recherche sur, encore une fois, sur Facebook qui dit que sur la base, si on vous donne un questionnaire de 100 questions, de questions personnelles sur vos choix, vos préférences, etc., votre personnalité, et puis on demande à des gens proches de vous de prédire comment est-ce que vous allez répondre. Facebook les bat. C'est-à-dire, elle bat les collègues de travail sur la base de 10 likes. Si Facebook a 10 de vos likes, elle va prédire vos réponses au questionnaire mieux que vos collègues de travail. Elle bat vos amis sur la base de 70 likes. Si Facebook a 70 likes, elle prédit mieux que vos amis vos réponses à des questions personnelles. 150 pour les proches de la famille et 300 pour les époux, les épouses. Bon, 300 likes sur Facebook, c'est rien. C'est rien, ouais. C'est deux semaines ou même pas d'activité. Bon, pour que ce soit possible, il faut analyser toutes ces données, les corrélations, etc. C'est ce que ces plateformes font et c'est le service qu'elles vendent aujourd'hui à des entrepreneurs politiques. Donc, je ne dis pas que c'est le seul facteur aujourd'hui du jeu politique. Ce serait ridicule de dire que la politique aujourd'hui, ce n'est que ça. Mais ce facteur-là, il devient de plus en plus important. Mais ça veut dire que ces physiciens ou mathématiciens, hein, en réalité, ceux qui peuvent analyser les algorithmes et les mettre au service d'un projet, qu'il soit politique ou populiste ou autre, devraient eux-mêmes être formés à cette utilisation, parce que il suffit pas d'être scientifique pour pouvoir faire de la politique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'homme politique aujourd'hui devrait être à la fois scientifique et politique pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Tout à fait. Mais c'est un peu d'ailleurs, en effet, ce que dit Cummings. Simplement, lui, il dit, c'est plus difficile de devenir scientifique. Donc, commencez plutôt par la physique et les mathématiques, et après, vous pourrez toujours faire de l'histoire, de la philosophie, etc. Bon, évidemment, vous et moi, on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est vrai que ça devient un peu la pensée dominante. Ça devient un peu la pensée dominante dans les cercles politiques. Encore une fois, le cas italien est intéressant parce que les algorithmes, au fond, ça permet quoi? Ça permet de faire des prédictions dans des secteurs sur lesquels on connaît rien et on comprend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaître de la politique pour faire des prédictions avec des algorithmes. Vous prenez les données, mais c'est la même chose dans la finance, non? Je veux dire, aujourd'hui, la finance, il y a des fonds d'investissement qui font de l'argent. Ils ne connaissent rien aux fondamentaux de la finance, des entreprises, etc. Ils ne se basent que sur des énormes masses de données et avec des corrélations et des études très poussées, ils vont pouvoir prédire comment les cours vont bouger d'une certaine entreprise plutôt que de l'autre. Bon, alors, le nouvel homme politique ou le nouvel entrepreneur politique, c'est quelqu'un qui, comme Casaleggio, le fondateur du mouvement 5 étoiles, dit « Moi, je ne m'intéresse pas de politique. Je ne sais rien, je ne comprends rien à la politique. Moi, je m'intéresse à l'opinion publique. » Et donc, je vais mesurer ça. Justement, c'est plus des sondages, c'est cas par cas. Et je vais utiliser ça de la façon la plus systématique possible. C'est un nouveau monde qui, effectivement, a quelques profils légèrement inquiétants. Donc, ce n'est pas le philosophe roi que prenait Platon, qui montrait bien d'ailleurs que pour être un bon gouvernant, il fallait être détaché de la vie politique, hein, et c'était le rôle du philosophe, mais le physicien roi, qui lui aussi détachait de la politique, mais au profit des nombres. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait ? On assiste à l'avènement de ce physicien roi, ou est-ce qu'on a un moyen d'action ? Non, il y a des bon, d'abord justement. C'est ce qui est en train de se passer dans les différents pays de cette planète d'ailleurs. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a des tentatives de réguler tout ça qui sont en train de monter en puissance. C'est-à-dire d'abord au niveau européen, il y a des règlements très importants qui ont été faits au cours des qui viennent d'entrer en d'être efficaces. Et il y a de plus en plus, il y a par exemple des candidats à la présidence américaine qui disent on va faire le break-up des grandes plateformes. Il y a un prix Nobel d'économie, Paul Romer, qui il y a deux jours a proposé sur le New York Times de taxer les publicités faites sur mesure, donc de casser le modèle de business des réseaux sociaux en rendant beaucoup plus cher justement l'enfermement dans des bulles, hein, c'est pas gagné, hein. Bon, on se terminera sur cette note peu optimiste pour le coup. On peut lire votre livre, Giuliano D'Ampoli, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. On le trouve aux éditions J.C. Lattès. Merci beaucoup. Merci à vous. Venu nous en parler ce matin. On se quitte avec Dirty Computer de Janelle Monae. Dirty computer walking by. If you look closer, you'll recognize. I'm not that special. Crashing slowly, the bugs are in me. Dirty computer. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez d'un ouvrage critique aujourd'hui. Doit-on se passer de la critique, de faire des critiques et de tous ces critiques qui se réunissent, écrivent, jugent, tranchent, se cherchent, énoncent des règles et des sanctions, éclairent ou expliquent les œuvres? C'est la question que pose cet ouvrage collectif intitulé Post-critique sous la direction de Laurent de Sutter. Et c'est une question vertigineuse, un cercle qui n'en finit pas de tourner sur lui-même, un serpent qui peut se mordre la queue. Écoutez plutôt le genre d'interrogation que l'on en vient à se poser. Qu'est-ce qui est critique en crise dans la critique? Être critique revient-il à critiquer des normes et c'est un comble au nom d'autres normes? La critique ne revient-elle pas paradoxalement à mettre au même niveau tout et n'importe quoi plutôt qu'à hiérarchiser et discriminer? Comment critiquer la critique sans tomber dans les travers que l'on critique? Peut-on sortir de la critique sans pour autant faire une critique de la critique? Toute critique doit-elle être foncièrement critique? Mais est-ce encore de la critique si elle n'est pas critique? Ou encore, quelle différence entre, par exemple, les penseurs de la théorie critique et les critiques des émissions de critique? Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Moi, j'aime les films qui ont 1 million d'entrées quand ils sont bons. Or, celui-là est un film qui n'est pas mauvais. Non, il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Il n'est pas très bon, il n'est pas mauvais. Et le cerveau aura beaucoup de succès. On s'en fout. Et je m'en fous comme vous. Mais il est tout de même important de dire aux millions d'auditeurs de Paris Inter et non pas. Vous avez tort d'aller voir Uri. Non, pas 500 personnes qui sont dans cette salle. C'est du terrorisme intellectuel. Il faut leur dire. Vous pouvez aller. Ce film a eu la publicité la plus prodigieuse qui ait jamais existé. Il faut avoir au moins le courage de le dire ici, qu'il y a quand même quelqu'un qui dire que ce film n'est pas un grand film, nom de Dieu. Vous faites de la démagogie. Écouter, lire, regarder, s'écharper des critiques est un plaisir qui ne se dément pas. Certains n'aiment pas ce genre d'émission, il n'en reste pas moins que la critique occupe toujours une place de choix dans les médias. Mais au fond, qu'aime-t-on écouter, lire et regarder dans la critique? C'est une question que je me pose souvent. Pourquoi écouter des critiques de films, de pièces, des expos ou de livres que de toute façon, je n'ai ni le temps ni parfois l'envie de juger par moi-même? Qu'est-ce qui est plaisant et intéressant dans le fait d'être spectateur de la critique, dans ce geste qui fait exister une œuvre tout en la remplaçant et en me dispensant de l'avoir? Parfois, on peut aimer le plaisir du débat, de la discussion, de l'échange passionné. On peut aussi aimer, et c'est un plaisir coupable, assister à l'anéantissement en règle d'une œuvre. Je pense aux critiques féroces de Télérama ou des Cahiers du cinéma. On peut aussi penser à des arguments que l'on n'aurait pas mobilisés par soi-même. Mais au fond, la critique ne nous dispense-t-elle pas seulement de juger les œuvres par nous-mêmes, mais de juger tout court? Ce serait un comble, mais la critique semble nous ôter la force d'être critique par nous-mêmes. La raison humaine a ce destin particulier, dans un genre de ses connaissances, qu'elle se trouve accablée par des questions qu'elle ne peut écarter, car elles lui sont proposées par la nature de la raison elle-même, mais auxquelles elle ne peut pas non plus apporter de réponse, car elles dépassent tout pouvoir de la raison humaine. En philosophie, la critique est un exercice classique. Kant en a fait son grand œuvre avec ses 3 critiques et l'école de Francfort en a fait une théorie. La philosophie est critique et c'est d'ailleurs ce qu'on attend d'elle, développer l'esprit critique. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'esprit critique? Dans un article de cet ouvrage collectif, Tristan Garcia imagine une sorte de monstre de philosophie critique. Nietzsche, Marx, Freud, Durkheim, l'archéologie foucauldienne, la troisième vague féministe, la déconstruction des discours dominants, etc. Que ferait-il ce simulacre aberrant? Eh bien, il ferait ce qui a lieu aujourd'hui, il produirait une synthèse bouillonnante de critiques qui font exister les œuvres, les objets et les sujets, tout en les faisant disparaître derrière des avis, des dévoilements, des jugements. Il produirait un système de critique qui, par sa plénitude et ses tentacules, échappe aux nuances que devrait opérer la critique. En lisant cet ouvrage, on est frappé par ce constat unanime. La critique n'est pas capable de produire ses propres outils pour se critiquer elle-même, mais on est aussi frappé, moins par la véhémence critique à l'égard de la critique elle-même, qu'à ce fond hospitalier, attachant, compréhensif, qui transparaît en fait à travers chaque contribution. Conseiller un film par amitié, penser avec l'art, faire exister les œuvres, aimer Nietzsche, serait une autre manière de critiquer. Comme si l'amour était beaucoup moins aveugle, beaucoup plus lucide, beaucoup plus critique en fait que l'on ne le pense. Merci Géraldine, le titre de cet ouvrage? Post-critique, et c'est aux éditions PUF. Un grand merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine, Anthony Thomasson qui est à la prise de son, Hélène Le Sœur qui est à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur les algorithmes. Demain, on se demandera ce qu'il reste de la justice dans l'univers digital. Est-ce que les robots vont bientôt se substituer aux juges? Ce sera Jean Lassègue qui viendra vous en parler. Il a coécrit avec Antoine Garapon un ouvrage sur la justice digitale publié aux éditions PUF. D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi au pays des algorithmes, Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.